vie était belle, avec une poignée de pixels sur ma Nintendo. Sur ma Nintendo, des couleurs en pagaille, une multitude de sprites sur ma Mega Drive. Sur ma Mega Drive, j'ai toujours été un grand joueur, et maintenant je suis devenu un rétro gamer. Un rétro gamer. Mario déteste Sonic, et maintenant ils font les Jeux Olympiques. C'est vraiment épique. C'est vraiment épique. Si tu es un rétro gamer, tu sais qu'avant c'était meilleur. La 2D c'était magnifique, suffit de regarder Sonic. Si tu es un rétro gamer, tu sais qu'avant c'était meilleur. La 2D c'était magnifique, suffit de regarder Sonic. Si tu es un rétro gamer, Super Mario est dans ton cœur. Tu as dû en passer des heures à vouloir tuer Bowser. Si tu es un rétro gamer, Super Mario est dans ton cœur. Tu en as passé des heures à vouloir tuer Bowser. Sonic.